oui, en ce jour de rentrée, quel meilleur sujet donc que le stress? Le stress, un mal si répandu que 9 Français interrogés sur 10 disent en souffrir et qu'une personne sur 2 se dit particulièrement stressée. Or, stress n'est pas pourtant que négatif, c'est un état de déséquilibre physiologique qui permet de faire face à des situations d'urgence, de préparer l'organisme à une réaction de protection, de nous rendre plus rapides, plus vifs, plus éveillés, plus efficaces en somme. C'est quand le stress est chronique qu'il devient toxique et au niveau cellulaire, le stress oxydatif que l'on a longtemps blâmé a également des vertus positives. Le stress, c'est la vie, c'est le programme Détendu qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans cette 4e saison de la méthode scientifique. Et pour réhabiliter le stress et surtout pour en comprendre tous les mécanismes physiologiques et cellulaires, nous avons le plaisir de recevoir pour cette première émission Bernard Lopez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS, responsable de l'équipe stabilité-instabilité du génome à l'Institut Cochin et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Normandie à Caen avec Laurent Châtre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche CNRS au laboratoire Imagerie et Stratégie Thérapeutique des pathologies cérébrales et tumorales au Centre d'Imagerie Médicale Cicéron à Caen. Et mais avant de plonger dans les méandres du stress pour inaugurer cette nouvelle saison, une nouveauté, c'est la camarade Natacha Triou que l'on retrouve désormais tous les jours pour un journal des sciences quotidien au plus près de l'actualité scientifique. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Pas trop stressé ? Et pour ce premier sujet de ce premier journal des sciences quotidien, eh bien, on va s'intéresser aux incendies en Amazonie et surtout à la résilience des écosystèmes forestiers. La forêt amazonienne approche-t-elle, Natacha, d'un point de non-retour? Alors, ce qu'on appelle la résilience écologique, c'est la capacité des écosystèmes à se régénérer eux-mêmes, mais celle-ci a des limites. Alors, selon plusieurs études, la forêt amazonienne pourrait atteindre un point de non-retour si 20 à 25% de sa surface se dégradait. Ce sont des projections difficiles, hein. On est dans des systèmes complexes avec un changement global du climat et des changements locaux, intenses et très étendus. Ça fait des décennies que la forêt primaire est grignotée par des feux, mais leurs amplitudes se sont multipliées. 2019 est une année record pour la déforestation liée à l'agriculture, et depuis janvier, on estime que 3 terrains de foot disparaissent chaque minute. De plus, on sait que ces incendies détruisent un immense réservoir de biodiversité, ce qui permet précisément aux écosystèmes forestiers d'être résilients. Daniel Sabatier, botaniste et écologue à l'Institut de Recherche pour Développement, pour lui, cette destruction massive compromet aussi une autre dynamique écologique. Moi, je dirais que le plus préoccupant, c'est évidemment cette circulation atmosphérique de l'eau d'évaporation. Pour moi, c'est probablement le phénomène qui pourrait être le plus déclencheur d'un basculement, quoi. Parce que la forêt amazonienne est intimement liée à l'abondance de l'eau et à la saisonnalité de ces précipitations, etc. Une forte proportion de l'eau de pluie provient de l'évaporation qui se produit au niveau de la forêt. Et le taux de recyclage peut atteindre jusqu'à 75% au pied des Andes. Pour faire une image, on parle de rivière aérienne, tellement ce phénomène est puissant et important. Donc, si l'on casse la circulation de cette eau qui provient de l'évaporation au niveau de l'écosystème forestier, si l'on casse ce système, eh bien, on pourrait atteindre un point de basculement, un point de non-retour. Une chose qu'il faut dire aussi, la forêt reconstruit sa biomasse, on va dire, à l'échelle du siècle. Par contre, la biodiversité se reconstitue beaucoup plus lentement. On peut dire que c'est à l'échelle de plusieurs siècles, voire du millénaire, que la reconstruction du système lui-même, avec toute sa biodiversité, peut se faire. Et on n'est pas prêt, visiblement, à laisser ce temps-là à la forêt. On passe au bref du jour. La sonde Hayabusa 2 et l'atterrisseur Mascotte viennent d'apporter de nouvelles images de l'astéroïde Ryugu. Ce sont des images les plus détaillées qu'on ait jusqu'à présent et on découvre, surprise, qu'il n'y a pas de poussière à sa surface. L'astéroïde fait partie des chondrites et il est considéré comme un fossile de la création du système solaire. Selon les modèles de physique, il devrait avoir formé une couche de poussière. C'est donc un nouveau mystère à résoudre. Selon une étude parue dans Nature Communication, sur la côte ouest américaine, les grandes crues centenaires pourraient devenir des crues annuelles. Ce qui détermine l'intensité des grandes crues, c'est la régularité et la force des tempêtes associées à l'élévation du niveau de la mer. Ces crues varient aussi d'un endroit à l'autre selon la circulation océanique. Les chercheurs de Princeton ont voulu mesurer les futurs risques d'inondations dans différentes régions des États-Unis. Et en intégrant la climatologie cyclonique aux simulations des conditions de tempête, ils ont créé ce nouveau modèle hydrodynamique. Selon lui, la fréquence et l'intensité de ces grandes crues augmenteront tout au long du 21e siècle. Et enfin, parce qu'ils mangent les restes de nos fast-foods, les corbeaux des villes ont un taux de cholestérol plus élevé que les corbeaux des champs. En Californie, 140 corbeaux de zones rurales et urbaines ont été étudiés. Plus les environnements sont urbains, plus les taux de cholestérol et les réserves de graisse sont élevés chez ces animaux. Des oiseaux plus dodus et au taux de survie plus faible. Des études similaires sur des animaux vivant à proximité des hommes, renards, moineaux et tortues, ont déjà révélé des résultats similaires et ont déjà montré comment la vie urbaine impactait leur santé. Merci Natacha pour ce journal des sciences que vous pouvez retrouver en podcast et en avant-première chaque jour sur franceculture.fr. On vous retrouve demain. Il est 16h06 sur France Culture et si le stress est une histoire aussi vieille que l'humanité, que dis-je, que la vie elle-même, c'est une notion qui est apparue assez récemment dans l'histoire de la médecine. Et c'est une notion polysémique qui recouvre des réalités psychologiques, physiologiques et cellulaires bien distinctes. Notre réaction naturelle face au stress serait de le chasser, de le réduire, de le faire disparaître. Or, le stress est nécessaire à notre organisme, à notre survie. Il est pourtant identifié comme un fléau, comme en témoigne notre archive du jour. Nous le savons, nous le comprenons, notre système enregistreur est saturé d'images, de bruits, de paroles, d'informations. Les mécaniques inventées par l'homme se retournent contre lui, exigent de lui une sorte de rançon. C'est génial d'avoir inventé l'automobile. Et maintenant, les voitures sont si nombreuses qu'il est impossible d'assister à leur défilé pendant quelques minutes sans avoir le vertige. C'est prodigieux, la radio, la télévision. Et voici qu'elles ont tué le silence et la détente. Ajoutez les inquiétudes devant les exigences de la vie trop chère, trop absorbante. Ajoutez les soucis, les devoirs familiaux. Pour affronter cette fatigue démesurée, mal compensée par quelques heures de sommeil, il faut un inusable cerveau d'acier que bien peu possèdent. Alors que faire ? Comment le rencontrer, cet apaisement que les physiologistes nous ordonnent? En fuyant la ville le dimanche, en comptant sur les 3 ou 4 semaines de vacances annuelles pour effacer comme par miracle 48 semaines d'épuisement, en arrêtant net la marche des inventions, des découvertes, impossible. Nous sommes pris dans l'engrenage, bon gré, mal gré. Bref, le moment est venu pour nos dirigeants de se préoccuper un peu moins du travail et beaucoup plus du repos. Voilà, extrait des actualités de midi de la radiodiffusion française le 17 mars 1960. Alors moins de travail, plus de repos, c'est la solution à tout. Il faut bannir toute forme de stress, Bernard Lopez. Oui, enfin, bannir toute forme de stress, a priori, on pourrait dire oui, mais sans stress, la vie serait un petit peu ennuyeuse. C'est un petit peu comme les épices dans la nourriture. Quand il y en a trop, c'est immangeable, puis quand il n'y en a pas, c'est fade. Laurent Châtre ? Oui, alors, c'est important de prendre du repos pour le fameux déstress, mais en fait, comme dit Bernard Lopez, il faut garder toujours ce petit stress, surtout que dans le monde des sciences, on estime que, justement, si on garde ce petit niveau de stress, on pourrait peut-être même vivre beaucoup plus longtemps que prévu. Ah bon, et pourquoi ça ? Parce que, par exemple, on dit que le régime méditerranéen serait un régime propice pour augmenter sa longévité. Et en fait, c'est un régime qui est fait à base de beaucoup d'épices. Et ces épices sembleraient nous stresser régulièrement. Et ce stress semblerait être bénéfique, sans être très élevé, pour nos cellules et notre système immunitaire. Alors peut-être faut-il bien être au clair sur ce dont on parle quand on parle de stress, parce que évidemment il y a l'acception commune que l'on entend être stressé, le stress quotidien, l'excitation, l'énervement que l'on imagine facilement toxique, mais en fait c'est un mot très polysémique. De quoi parle-t-on exactement, Bernard Lopez ? Alors bon, en fait effectivement il y a le stress auquel on a fait allusion de la vie quotidienne, et puis il y a le stress, je dirais, physiologique dans les organismes, dans les cellules. Alors évidemment, probablement, tout est lié, parce qu'un stress de la vie quotidienne va induire une réaction des cellules, et celle-ci va avoir des conséquences. Alors, donc, ces stress, c'est cette réponse des cellules qui va finalement, et des tissus et des organismes, qui va finalement aboutir ou pas, soit à un mécanisme d'induction, de mécanismes qui vont protéger contre des stress plus forts. C'est pour ça qu'un peu de stress, c'est comme une vaccination. On va induire les systèmes de protection. Mais finalement aussi, qui peuvent aussi être débordés les systèmes de réponse et de protection cellulaire et aboutir à des phénomènes non désirés, délétères et pathologiques. Le stress a été fixé, je le disais dans l'introduction, Laurent Châtre, assez récemment dans la littérature médicale en tant que telle, avec ce mot qui vient d'ailleurs du latin, qui a été fixé très tôt en anglais, mais qui vient avant tout de stringere, qui veut dire resserrer, comprimer, hein, cette sensation que l'on peut éprouver quand on éprouve du stress. Quand je disais qu'il est polysémique, c'est-à-dire qu'il désigne à la fois la source et le ressenti, hein, ce bruit me stresse, mais je suis stressé. Est-ce que tout ça effectivement est lié? De quoi parle-t-on? Comment vous le définiriez? Comment est-ce que vous feriez le tri entre ces différentes acceptions, Laurent Châtre? Alors en fait, le stress, comme on le voit maintenant, c'est un peu un grand sac dans lequel on met plein de choses. À la base, le stress, c'est un mot qui a une centaine d'années. C'est un médecin endocrinologue autrichien qui s'appelait Hans Selly, qui avait des patients qui étaient vraiment pas très bonne santé. Et c'est en voyant ses patients, il a créé le mot stress. Pour lui, le mot stress, ça voulait pas dire une maladie ou quelque chose de mal. Pour lui, c'était un syndrome général d'adaptation, où il l'a défini comme une réponse non spécifique de notre corps à toute sollicitation. En gros, c'était ça, le stress. Et ensuite, la médecine s'est accaparée ce terme pour le mettre à la sauce de toutes les maladies, que ça soit bénéfique ou que ce soit avec des effets négatifs. Mais au départ, c'est un mot qui a 100 ans, et en fait, je dirais même qu'il y a eu, à partir de ce mot-là, une sorte de détournement majeur de mots pour expliquer quelque chose qui a créé la confusion dans le grand public aussi, et dans l'opinion. Il faut peut-être rappeler également que ce stress, alors en tout cas le stress immédiat, c'est avant tout une solution de secours, une réponse immédiate, un déséquilibre physiologique qui doit nous aider à répondre rapidement à un stimulus qui est perçu comme dangereux ou inquiétant. Alors oui, tout à fait. En fait, le stress, au départ, c'est une alarme. C'est pas quelque chose qui doit nous faire mal, c'est une alarme. En fait, c'est comme quand il y a un incendie ou de la fumée dans une maison, ça sonne. Le stress, il sonne. Et en fait, le stress aigu, c'est simple. Souvent, on l'apparente à soit un stress physique, une blessure, j'ai mal, je me casse l'orteil contre un rocher, je me cogne le coude, je me coupe, j'ai mal. Et puis, vous avez aussi du stress qui peut être psychogène, un stress psychologique. Je stresse parce que je vais avoir un examen, parce que j'ai une interview radio, par exemple. Je stresse tout de suite. Ça, c'est le stress aigu. Ensuite, vous avez le stress chronique. Alors, le stress chronique, ça peut être une blessure, ça peut être psychologique, ce qu'on appelle psychogène ou neurogène, c'est-à-dire notre système nerveux qui est endommagé. En gros, c'est un stress qui s'installe et qui dure des heures, des jours, des semaines, des mois, et qui s'accumule. Et ce stress chronique, autant le stress aigu, notre corps arrive à le gérer, autant le stress chronique, notre corps a du mal à le gérer au fur et à mesure. Parce que c'est quelque chose qui s'accumule et qui devient, ce qu'on verra dans le suite de l'émission, du stress oxydatif. Bernard Lopez ? Oui, c'est ça. C'est que avec un stress chronique, finalement, il y a un dysfonctionnement, si on veut aller au niveau des physiologiques, des cellules, etc. Et puis finalement, il arrive toujours quelques-unes qui arrivent à s'adapter et à échapper à ça. Et c'est celles-ci qui deviennent problématiques. Et on peut généraliser ça probablement à un niveau de tissu, d'organisme et plus général. C'est que avec le chronique, l'habitude fait qu'il y a une sélection des événements plus délétères. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons donc pour cette première émission de la quatrième saison, du stress. Nous en parlons avec Bernard Lopez et Laurent Châtre. Alors on va parler évidemment tout à l'heure de cette notion de stress oxydatif, du stress au niveau cellulaire, mais on va continuer justement on va réduire progressivement d'échelle en quelque sorte. On va continuer de s'intéresser au stress physiologique. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quelles sont les mécaniques qui se mettent en route à l'intérieur du corps en cas de stress aigu, Laurent Châtre? Alors en fait, que ça soit stress aigu ou même stress chronique, c'est à peu près le même processus qui se passe. En fait, tout d'abord, tout se passe dans une méga tour de contrôle qu'on appelle le cerveau. En fait, c'est le cerveau qui traite des informations à travers des structures qu'on appelle l'hippocampe, l'amygdale, l'hypothalamus. C'est des noms un peu barbares, ce sont des structures dans le cerveau. Ces structures-là, en fait, elles sont là pour traiter l'information. Et dès qu'une information est apparentée comme du danger, le cerveau s'active. Et là, en fait, c'est l'hypothalamus qui va réveiller une autre structure qu'on a dans le cerveau, qu'on appelle l'hypophyse, qui va se mettre à sécréter une hormone qu'on appelle l'adrénocorticotrophine, ACTH. Elle, cette hormone, elle va aller jusqu'en dessous, juste à côté de nos reins pour réveiller ce qu'on appelle les glandes surrénales. Et les glandes surrénales, c'est simple, elles produisent l'adrénaline, noradrénaline, qui sont des hormones de stress, et surtout la méga hormone de stress, le cortisol. Et à partir de ce mélange d'hormones, en fait, il va y avoir une régulation à la fois de notre flux sanguin, de notre rythme cardiaque, de notre capacité de mémoire, de notre capacité, de nos capacités cérébrales à répondre à un stress, de nos muscles, de nos foies, de notre propre métabolisme. En gros, ce sont des hormones qui vont réguler tout notre corps pour se préparer à deux choses, soit à fuir le danger, soit à combattre. Et alors justement, ça c'est la première réaction hormonale. Comment est-ce que ça continue après? C'est-à-dire qu'est-ce que ça sollicite dans le corps? Qu'est-ce que ces deux hormones? Quels sont leurs rôles exactement? Parce que on a tous ressenti ces effets, le cœur qui serre, une sorte de sentiment d'étranglement au niveau de la gorge, la sueur, le pouls cardiaque qui s'accélère. Qu'est-ce qui se passe ensuite, Bernard Lopez? Je pense que là, Laurent Châtre peut probablement répondre bien mieux que moi à cette question. Laurent Châtre. Alors, en fait, pour enchaîner, en fait, toutes ces hormones vont stimuler quelque chose qu'on avait débattu dans une émission précédente, c'est le métabolisme énergétique. En gros, pour que le cœur fonctionne beaucoup plus vite, il faut beaucoup plus d'énergie. Donc, le corps va demander beaucoup plus d'oxygène, il va demander beaucoup de production d'énergie, y compris par les fameuses mitochondries, qui sont des petites centrales énergétiques dans nos cellules. Et à partir de là, en fait, à chaque fois que nos cellules, nos mitochondries produisent de l'énergie, on produit des molécules chimiques dérivées, qui sont les oxydants. Et en fait, c'est à partir de là que, quand on stresse, on a besoin d'énergie. Cette énergie est bénéfique, mais en parallèle, on produit des molécules qui pourraient, si elles s'accumulent, devenir néfastes. Et malheureusement, quand on passe d'un stress aigu à un stress chronique, on continue à demander de l'énergie, on continue à en produire, mais on continue à accumuler ces dérivés de molécules chimiques qui, elles, vont commencer à nous oxyder de plus en plus. Et c'est intéressant parce qu'on va bien voir, oui, Bernard Lopez. Oui, c'est en effet ça, la production d'énergie nécessaire. C'est aussi la réponse à tout type de, on va dire, stress, pas uniquement lié au stress environnemental, enfin, je veux dire, d'état psychologique, etc. Même après l'exposition à des radiations ou des rayonnements, la cellule va vouloir réparer et va avoir besoin d'énergie directement en produisant la même forme d'énergie via les mitochondries. Et ces produits secondaires, ces effets secondaires, c'est la production de ces ces espèces d'oxygène, des espèces radicalaires. De radicaux libres dont on va reparler tout à l'heure quand on évoquera plus spécifiquement le stress oxydatif. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que c'est ça, une réaction de stress, c'est la mise à disposition subite, brutale du corps, d'énergie supplémentaire pour pouvoir effectivement préparer une réaction immédiate ou la plus rapide possible à un stimulus perçu comme un danger. C'est ça, et c'est donc cette énergie qui est fabriquée par cette usine dont Laurent a fait mention, la mitochondrie. Le problème, c'est que le résidu, le problème qui en découle de cette production, c'est justement ces radicaux libres. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, avant de comprendre déjà et de passer de ce stress aigu au stress chronique, c'est que ces réactions de stress, encore une fois, elles sont naturelles, elles sont essentielles. On pense là pour le moment à l'être humain, mais dans le règne animal, sans stress, il n'y a pas de vie. On est obligé de stresser, ces réactions sont nécessaires à la survie. Laurent Châtre. Elles sont nécessaires à la survie et même probablement, alors ça se discute, mais elles seraient peut-être même liées à notre propre évolution. Le stress est quelque chose qui va permettre, comme disait Bernard Lopez, de faire des sélections dans nos cellules, alors en néfaste ou pas, mais qui va permettre de faire évoluer nos organes pour se préparer un peu mieux à certains environnements, à certaines alimentations par exemple, ou certains agents de stress. Donc ça c'est lié à notre évolution, c'est pas et c'est quelque chose qui est lié... en chronique, qui, en fait, malheureusement, le stress, quand il devient chronique, on le retrouve dans tous nos organes et on le retrouve en particulier dans le sang, qui redistribue toutes ces molécules et tout ce stress dans les différents organes. Et c'est à cause de ça que ça balance un peu entre l'évolution positive ou ça va nous tuer. À partir de quel moment peut-on parler, Laurent Châtre, de stress chronique ? Bah, à partir du moment où, en fait, un stress... alors, au niveau cellulaire, chaque scientifique a sa définition de la durée du stress, mais un stress chronique, un stress aigu doit pas durer plus de 24 heures, hein, voire quelques heures, en fait. Quand on crée un stress au niveau cellulaire, en quelques heures, nos cellules réagissent, et normalement, au bout de 24 heures maximum, elles reviennent à la normale, si tout va bien, si elles n'ont pas été trop stressées. Si ça devient... plusieurs jours, là ça devient un problème. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait nos cellules, les cellules humaines par exemple, elles se divisent toutes les 24 heures. Et donc une division, c'est pas grave. Deux divisions, ça commence à être un problème. Trois divisions, ça commence à être un gros problème. Au-delà, ça peut entraîner la division, provoquer et perturber la division cellulaire. C'est pour ça que à partir de plusieurs heures à plusieurs jours, c'est un stress chronique. Alors après, il y a des médecins qui vont vous dire c'est plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Ça, c'est des choses qui sont encore en débat. Bernard Lopez ? Probablement, effectivement, c'est un débat et probablement, c'est aussi, ça dépend de l'échelle à laquelle on regarde. Si on regarde à l'échelle de la cellule, effectivement, les temps de durée chronique vont être plus courts que si on regarde à l'échelle d'un organisme entier qui contient des milliards de cellules qui ne sont pas forcément toutes stressées de la même façon. Donc là, l'échelle de temps reste probablement beaucoup plus large. Mais en effet, le stress chronique dans une cellule, dans des cultures de cellules en laboratoire, c'est pas plus de quelques jours, maximum, effectivement, comme l'a dit Laurent, 24, 48 heures. Alors, on va essayer de prendre un par un, ce qui va permettre de réduire l'échelle, hein, comme je le disais tout à l'heure, de voir quels sont les différents mécanismes qui sont induits par ces stress chroniques et comment ils deviennent toxiques pour l'ensemble de l'organisme. Peut-être peut-on commencer par le lien entre le cortisol et l'équilibre entre le sel et l'eau dans le corps qui peut conduire donc, in fine, à certains troubles cardiovasculaires. Parfois assez grave, Laurent Châtre. Les effets du cortisol sont quasiment dans les minutes qui suivent sa sécrétion, donc c'est ultra rapide. L'effet au niveau cardiovasculaire, il faut que ça s'installe sur au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Surtout que ce stress chronique, au départ, on ne le sent pas, on ne le réalise pas en fait. Quand on le réalise, c'est déjà quasiment trop tard, enfin on a atteint... quasiment un point de non-retour. Je dirais pas que c'est exactement le point de non-retour. Peut-être des fois on arrive à revenir, mais souvent on est déjà à plusieurs mois. Donc c'est un peu difficile de répondre à partir de quand le cortisol crée des déséquilibres. Mais je dirais que en fait à partir de quelques jours ça a commencé. Sur le lien qu'il peut y avoir, parce que on voit hein, la liste des effets et des conséquences du stress chronique, il y a beaucoup de pathologies qui sont associées, donc je disais troubles cardiovasculaires, mais aussi excès de cholestérol, on peut aboutir à des types des diabètes de type 2. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a un lien, comment se fait le lien entre le stress chronique et des niveaux trop élevés de cholestérol au niveau cellulaire? D'où vient ce lien, Laurent Châtre ? Alors, en fait, c'est parce que, déjà, le cholestérol, c'est un précurseur pour la production des hormones, dont le cortisol. Donc, s'il y a un déséquilibre au niveau du cholestérol, il va y avoir un déséquilibre au niveau de la production de cortisol. En gros, l'hormone de stress va être perturbée si le taux de cholestérol est perturbé. Première chose. Ensuite, il faut savoir que le cholestérol fait partie... de tous ces avec les acides gras d'un grand métabolisme qui est le métabolisme des acides gras ou des lipides. Et les lipides sont une source utilisée en directement par les mitochondries pour produire de l'énergie. Donc évidemment, on dit que les personnes en surpoids ou obèses qui ont beaucoup de gras accumulés vont peut-être produire plus d'énergie, mais vont accumuler beaucoup de molécules de stress à cause des mitochondries, à cause de leurs structures qu'on appelle les lysosomes ou les peroxysomes, par exemple. Donc c'est assez vaste. Quel est le lien, ça c'est pour le lien avec les niveaux élevés de cholestérol, quel est le lien avec entre le cortisol et la sécrétion d'insuline? Pourquoi est-ce que le cortisol bloque d'un seul coup la sécrétion d'insuline quand on se retrouve dans une situation de stress? Parce que tout simplement, l'insuline, c'est une molécule qui va réguler le taux de sucre dans le sang. Et le sucre, c'est, avec l'oxygène, l'une des deux briques destinées à l'utilisation pour la production d'énergie par les mitochondries, par exemple. Et même par un autre mécanisme qu'on appelle la glycolyse. Si ce taux de sucre est perturbé au départ, il n'y aura pas de rajout d'énergie et le corps ou les cellules ne pourront pas répondre à la demande d'énergie. Donc en gros, les hormones ont pour rôle de bloquer tout ce qui pourrait perturber le taux de glucose. Oui, pour avoir de l'énergie immédiatement disponible et pour pouvoir puiser le plus vite possible dans ces sources d'énergie. Également, une autre conséquence, c'est le besoin de réserve d'énergie constante, donc du coup des niveaux de stress élevés, de stress physiologique au niveau anatomique élevé, conduisent à plus d'accumulation de graisse pour avoir plus de réserves disponibles immédiatement. Oui, c'est un cercle vicieux. Alors déjà, notre système de production d'énergie, il n'est pas fait pour répondre constamment à des très fortes demandes. Il est fait pour répondre de temps en temps, occasionnellement. Si on le sollicite tout le temps, il n'y arrive plus. Et donc, il va lui-même, d'ailleurs, se faire attaquer par ses propres molécules qui l'oxydent. Donc, c'est un cercle vicieux qui, le système va répondre de moins en moins à cause de sa suractivation. Ensuite, au niveau de son activité, il faut savoir que il y a le taux d'acide gras. Et puis, le corps, en fait, quand il produit beaucoup d'énergie, il a tendance à vouloir faire du stock. Donc, il va demander au corps, entre guillemets, y compris au cerveau, de... Bon, il va falloir que tu te bouges, il va falloir manger un peu plus pour faire un peu plus de réserve. Donc, on a tendance à vouloir manger un peu plus et on fait un peu plus de réserve. Et là aussi, les acides gras vont réalimenter la machine. Malheureusement, c'est un cercle vicieux. Et la nourriture trop grasse, trop sucrée, c'est un problème justement pour le stress chronique. Ça va entretenir ce stress chronique. Et je lisais également que effectivement, si ces réactions de stress sont des réactions conservées, renforcées, comme vous le mentionniez tout à l'heure, par l'évolution, en revanche, les situations qui produisent le stress, elles sont nouvelles. Et quand on est stressé, tout en restant immobile, stressé parce qu'on est dans une voiture trop longtemps, qu'on conduit trop longtemps, qu'on est assis toute la journée stressé par un environnement professionnel, eh bien évidemment l'organisme ne fait pas la différence entre ce stress sédentaire et le stress d'autrefois qui indiquait qu'il fallait au contraire bouger, fuir une bête sauvage, et donc d'où finalement ce décalage et cette production d'énergie supplémentaire et toxique pour l'organisme. Ah, tout à fait. En fait, on met le même mot stress, mais c'était pas la même chose. C'était pas la même chose que l'homme préhistorique qui devait fuir face à une bête qui allait le dévorer, que le stress au travail. Le stress au travail, ça va être plutôt un stress psychogène. Quelque chose qui va s'entretenir au niveau psychologique et qui va faire que le cerveau va répondre par des hormones. Il va mal répondre, il va mal produire, et notre système énergétique va mal répondre aussi. Donc, c'est des mécanismes différents qu'on résume dans le stress. Et là, vous voyez, c'est tout un paradoxe d'un mot qui veut dire de nombreuses choses. Et puis, peut-être un dernier mot, et on passera ensuite justement au niveau cellulaire et à l'effet du stress cellulaire, et notamment à ce stress oxydatif dont on a dit un peu tout et son contraire. Quand on entre dans le détail que vous avez mentionné, Laurent Châtre, à l'instant, de la neurobiologie du stress, on voit que le système HPAC, pour hypothalamo, hypophyso, cortico-surrénalien, et aussi le premier sollicité dans ces mécanismes de stress, c'est un effet immunosuppresseur, ce qui peut conduire évidemment à d'autres types de pathologies. Exactement. En fait, tout ce qui est immunosuppresseur, c'est un peu ralentir, bloquer notre système immunitaire. Ça peut être utile sur un moment aigu, mais sur une échelle chronique, c'est tout à fait dommageable parce que le système immunitaire est sans arrêt là à veiller contre les virus, contre les bactéries, contre les champignons, y compris les levures, contre différentes attaques extérieures, les pathogènes, tout ça. Du coup, si on fait de l'immunosuppression, on ouvre la porte en fait aux virus, aux bactéries, à toute une série de pathogènes, et donc on augmente ses risques d'avoir des maladies et des infections. Et quel est l'intérêt dans un cas de stress aigu de réprimer, d'inhiber la réaction immunitaire immédiate? Parce que le système immunitaire est aussi énergivore et demande toujours beaucoup d'énergie. Et en plus, le système immunitaire, quand il est activé, quand il est réveillé, il se met à produire beaucoup de molécules du stress, comme les macrophages en produisent pour dévorer les bactéries. Les molécules du stress sont une arme puissante antibactérienne, contre les virus, des bactéries, des pathogènes. Donc le système immunitaire est énergivore. Et donc, y compris à travers le cerveau, le but du corps, c'est de limiter tout ce qui est énergivore pour essayer de centrer cette énergie sur ce qui est uniquement essentiel. Bernard Lopez. Oui, je voulais simplement ajouter que cette réponse, elle est probablement dépendante de la dose, de l'importance. C'est-à-dire que bon, c'est le premier principe de la pharmacologie, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose. Paracels. Voilà, c'est ça. Et ce que je voulais dire, c'est que à un petit niveau de stress peut, lui, au contraire, stimuler le système immunitaire. C'est lorsque ça devient chronique ou à un trop fort niveau que là, ça devient un problème. Donc, c'est, là encore, on va appeler stress parce que ça va être les mêmes molécules qui vont être à l'initiation de la chose. Mais quand c'est contrôlé, lorsque la cellule arrive à le contrôler, quand le niveau n'est pas très élevé, on peut aussi avoir un niveau de défense. Bon, c'est peut-être j'empiète déjà un petit peu sur la suite. Non, pas du tout. Mais c'est intéressant. Ce sont les mêmes molécules. La dose est importante. Bien sûr. Ce sont les mêmes molécules qui, en cas de stress léger ou d'un niveau de stress tolérable, vont au contraire encourager, favoriser le système immunitaire, ce qui pourrait expliquer, par exemple, que quand on a besoin de donner un coup de collier, comme on dit, qu'on est soumis à un peu de stress pour terminer un projet, pour passer un examen, tout va bien, et puis c'est au lendemain de l'examen qu'on tombe malade. Par exemple, oui. Probablement, je ne sais pas, mais en fait. Messieurs, ça me paraît une hypothèse probable, en effet. Go, girl. Under Pressure, David Bowie et sa bassiste Gayle Anne Dorsey sur France Culture à 16h34, puisque nous parlons pour cette première émission de la quatrième saison du stress, de la pression, donc, et vous pouvez, comme d'habitude, évidemment, nous suivre en direct sur France Culture, en différé sur franceculture.fr ou en podcast via l'application de podcast de Radio France, et comme toujours, hein, en direct pendant l'émission, sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc, où vous pouvez réagir, nous poser des questions et alimenter un peu la conversation que j'ai aujourd'hui avec mes deux invités, Bernard Lopez, directeur de recherche CNRS, responsable responsable de l'équipe stabilité-instabilité du génome à l'Institut Cochin, et en duplex depuis France Bleu Normandie à Caen avec Laurent Châtre, chargé de recherche CNRS au laboratoire imagerie et stratégie thérapeutique des pathologies cérébrales et tumorales au centre d'imagerie médicale Cicéron à Caen. Alors nous avons parlé tout au long de la première partie du stress aigu ou chronique au niveau physiologique. Nous allons descendre pendant cette deuxième partie à l'échelle cellulaire pour comprendre ce que signifie le stress à ce niveau microscopique. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour ce premier reportage de l'année, retour en laboratoire où vous êtes allé assister à une séance de stress particulièrement éprouvante sur des bactéries. Et j'ai rencontré un tortionnaire en la personne de Frédéric Barras, qui est directeur du département de microbiologie de l'Institut Pasteur. Il m'a reçu dans son laboratoire et avec son équipe, Frédéric Barras, ils soumettent, vous l'avez dit, des entérobactéries, des bactéries de l'intestin comme Escherichia coli, à divers types de stress pour étudier non seulement leur réaction, mais aussi leur adaptation ou non à ces différents types de stress. Ce que Frédéric Barras étudie tout particulièrement, ce sont les centres fer-soufre qui sont un des éléments constitutifs de la vie. Et avec ce type de travaux, Frédéric Barras, et sa précédente équipe ont pu établir un certain nombre d'éléments, et notamment un lien entre certains stress et l'antibiorésistance. Alors les grandes lignes, c'est on peut commencer par des mots-clés. Les mots-clés, ce sont aérobie, anaérobie, c'est-à-dire que la vie a commencé dans un monde sans oxygène, anaérobie. À un moment donné, il y a eu vers 2,4 milliards émergence de l'oxygène. Les conséquences ont été terribles, bénéfiques et moins bénéfiques pour des organismes qui avaient évolué et appris à vivre en absence d'oxygène. Donc ça, c'est une contrainte très très présente dans mon activité. Par ailleurs, et en continuum avec ça, je m'intéresse à des éléments qui s'appellent des centres fer-soufre, qui sont donc des agrégats de fer et de soufre qui se trouvent être à la base probablement de la vie et qui sont présents dans des protéines à la fois chez les bactéries et chez les humains. Donc on appelle ça des protéines à centre fer-soufre, c'est un peu barbare comme nom. Et il se trouve que les centres fer-soufre sont très sensibles à des variations dans l'environnement, comme des variations de redox, stress oxydant, carence nutritive, carence en fer, présence de métaux, donc c'est-à-dire tout ce qu'on appelle d'une façon générale des causes de stress. Donc ici, on est dans la salle de couleur lavande. Vous avez ici des chambres anaérobie. Deux chambres anaérobie, une pour étudier les protéines et l'autre pour étudier les bactéries. Donc on étudie des processus et l'effet de variation de concentration en oxygène dans l'environnement des bactéries sur le fonctionnement de ces processus, les voies de respiration par exemple, il y a des respirations anaérobie, des respirations aérobie et des voies de respiration entre ce qu'on appelle la micro-aérobie. Donc on étudie le continuum de ce système respiratoire essentiel pour la vie en fonction des concentrations d'oxygène. L'oxygène comme moléculaire, lui, n'est pas toxique, mais les formes dérivées de l'oxygène qui constituent le stress oxydatif le sont. Et on étudie donc les mécanismes de réponse d'Escherichia coli à ce stress oxydant. Donc une bactérie soumise à un stress va répondre, va réparer ou éliminer. C'est-à-dire, en clair, on répare les dommages qu'on n'a pas pu empêcher, ou alors on empêche le dommage de se faire en tuant la source du stress initial. Voilà, donc les deux voies sont étudiées. Alors, quel type de manipulation ça implique au-delà de cette salle-là ? De façon très classique, l'étude du stress consiste dans un premier temps à étudier l'élément de la bactérie qui va sentir et répondre au stress, en général un régulateur génétique, va consister à identifier aussi les conditions dans lesquelles ce régulateur, c'est-à-dire le stress en soi, le signal, parce que le stress est une définition, bon, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est plus un état de déséquilibre que une molécule particulière ou un polluant particulier. En tous les cas, identification du régulateur, identification des conditions qui conduisent à l'activation de ce régulateur et ensuite identification des cibles de ce régulateur qui vont permettre l'adaptation, la réponse de la bactérie à ce signal. Donc encore une fois, ces réponses sont soit préventives en éliminant la source de stress, soit curatives, c'est-à-dire en réparant les dommages qu'il a créés. À quel type d'observation vous vous êtes livré ici ? Bon, plusieurs observations. Je penserai à une que j'ai faite avec ma précédente équipe à Marseille, mais qui n'a à voir qu'indirectement avec le stress oxydant. Il s'agit d'un autre type de stress, c'est celui de la carence nutritive. La carence nutritive, en espèce, c'était la carence en fer. Comme je vous l'ai dit, je travaille sur les protéines à fer soufre. Les protéines à fer soufre sont présentes dans les chaînes respiratoires. Elles sont essentielles pour que les électrons puissent être transférés. Et ce que nous avions trouvé, c'est qu'en carence de fer, la bactérie Escherichia coli s'adapte en changeant sa façon de faire des clusters fer soufre, des centres fer soufre. Donc ceci a un impact sur l'efficacité des chaînes respiratoires utilisées. Et la conséquence ultime et indirecte, c'est que la bactérie devient résistante à des antibiotiques. Donc là, on a un lien entre l'absence de fer, la carence, l'imitation en fer, et un phénotype qui est celui de l'antibiotique, qui était totalement inattendu. Mais voilà l'une des conséquences. Et la raison, et c'est parce qu'au milieu, il y a des protéines de fer soufre. Donc la prédiction, c'est que tout processus incluant des protéines à sang de fer soufre deviendra, par la seule présence de ces protéines en leur sein, sensible à des stress qui affectent ces agrégats de fer soufre, donc carence en fer, stress oxydant, stress métallique, présence de polluants. Donc ça, c'est une prédiction que l'on fait, sur laquelle on travaille actuellement. D'une façon générale, non pas générale, mais plus médicale, le fait d'avoir mis en évidence un lien entre des conditions nutritives, des conditions environnementales et un phénotype comme l'antibiorésistance, évidemment, a un écho dans le problème actuel de la résistance aux antibiotiques, mais tout ceci doit être travaillé, cette fois-ci, non pas entre Escherichia coli et une boîte de pétri avec un milieu de culture optimisé, mais dans le vrai contexte de notes et soumis à différents traitements. Voilà le reportage d'Antoine Beauchamp sur ce stress oxydatif sur des bactéries Escherichia coli. Peut-être une réaction simplement de l'un et de l'autre à ce que vous venez d'entendre, Bernard Lopez. Oui, en effet, on voit que le stress, et en particulier le stress oxydatif, peut avoir des conséquences multiples et variées, à la fois sur les bactéries qui peuvent être nos commensaux, les bactéries hôtes, et dont l'importance est, et qui sont extrêmement importantes pour notre santé, mais aussi, en plus, pareil, dans les cellules de mammifères, les cellules humaines elles-mêmes, qui ont aussi des protéines à centre fer-soufre, ou bien aussi parce que les radicaux libres peuvent altérer pratiquement toutes les molécules biologiques existantes dans une cellule. Laurent Châtre ? Là, on a un exemple frappant justement de l'effet du stress sur l'évolution des bactéries vers l'antibiorésistance. Ça, déjà, c'est déjà un grand exemple. Et puis, ça montre qu'en fait, il n'y a pas que les humains qui stressent ou les animaux qui stressent. En fait, les plantes stressent et je dirais même maintenant les bactéries, les virus, probablement tous les organismes, enfin les virus, je ne sais pas, mais quasiment tous les organismes vivants ont la capacité de stresser. Alors, on a évoqué de manière un peu lointaine jusqu'à présent cette notion de radicaux libres qui a été beaucoup utilisée, notamment par des vendeurs de cosmétiques en disant que c'était vraiment la source de tous les maux, ou même par certains vendeurs d'aliments également, en certifiant que les antioxydants étaient tout ce qu'il fallait pour le corps humain et que ça allait prolonger notre vie, notre beauté intérieure et extérieure. Peut-être est-il temps de faire un peu le point là-dessus. Qu'est-ce que c'est exactement, Bernard Lopez, que ce stress oxydatif ? Comment est-ce qu'on passe d'un stress aigu, d'une réaction physiologique globale, à un stress oxydatif des cellules ? Que sont les radicaux libres et pourquoi ont-ils été désignés ennemi public numéro un pendant si longtemps ? Alors, les raisonnements et le rationnel qui les a désignés comme des éléments toxiques n'étaient pas absurdes, etc. Puisque, en fait, ce sont des dérivés de l'oxygène. C'est pas qui peuvent à ce moment-là oxyder, enfin, faire rouiller en quelque sorte, n'importe quel composant biologique. Ça peut être des protéines, des lipides ou l'ADN. Et dans l'ADN, ça va faire des mutations. Donc, on s'est dit, effectivement, ça paraissait pas irrationnel de se dire, et comme on peut pas y échapper parce que c'est fabriqué par la cellule, c'était peut-être une bonne idée d'essayer de les contrecarrer. Le problème, il est que les radicaux libres sont aussi parfois utilisés comme messagers secondaires pour le fonctionnement normal de la cellule. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt décevant. Et alors, quels sont ces mécanismes que je vous repose la question. Comment est-ce que, d'un seul coup, on arrive d'une réaction de stress globale à ce stress oxydatif qui a des vertus destructrices, qui peut être bien pour les cellules, mais qui peut, à un moment donné, quand il est trop poussé, au contraire, les conduire, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, à se surmultiplier et donc à basculer, pourquoi pas, en allant jusqu'à la division tumorale. Alors, si vous permettez, je vais prendre par exemple une cellule, elle va avoir des stress exogènes. Les radiations, les ultraviolets ou les radiations ionisantes ou les molécules chimiques. Bon. Et eux-mêmes, d'ailleurs, peuvent provoquer la production de radicaux libres, notamment par la radiolyse de l'eau qui contient l'oxygène et qui vont provoquer la formation des radicaux. Et pour réparer tous ces dommages, comme Laurent l'a dit tout à l'heure, la cellule a besoin d'énergie. Donc la mitochondrie va fabriquer cette énergie. Un des produits secondaires qui en résulte, qui est inéluctable, c'est aussi des radicaux libres. Donc il a besoin. Donc cette production d'énergie peut être stimulée par les hormones, par la réponse diverses et variées, mais aussi peut être stimulée par une chimiothérapie, une exposition aux UV ou des choses comme ça. Trop de soleil, ou des produits chimiques dans l'environnement. Des radiations à Tchernobyl, Hiroshima, etc. Bref. Donc la cellule se retrouve avec des radicaux libres. Et là, ces radicaux libres ils peuvent altérer n'importe quelle molécule. On va prendre l'exemple de l'ADN, parce que c'est ce que... Bien sûr, je vous en prie. Effectivement, eh bien, ça va faire des oxydations de bases, des bases dans l'ADN. Mmh. La réparation de ces bases peuvent générer des cassures dans l'ADN. Ces cassures peuvent générer des réarrangements, donc des translocations, des réarrangements. Et l'absence de réparation ou la non-réparation de ces bases peuvent faire des mutations. Et ces mutations, bon, c'est soit neutre, soit c'est bénéfique, mais ça peut être délétère. D'ailleurs, il a été fait référence que le stress oxydatif pouvait être aussi participer à l'évolution. Ça peut aussi probablement participer à l'évolution moléculaire en rajoutant de la variabilité génétique. Mais d'un autre côté, ça peut aussi inactiver des gènes antitumoraux ou générer des nouveaux oncogènes. Donc, ce côté mutagène peut être aussi responsable d'un effet qui va ensuite aboutir au développement tumoral de la cellule. Je disais à l'instant, on a longtemps entendu et dit que les antioxydants c'était vraiment ce qui se faisait de mieux et ce qu'on pouvait trouver de mieux pour la santé, qu'il fallait en prendre autant qu'on pouvait par tous les moyens qu'on pouvait. Or, cette notion a été revue et très sévèrement corrigée suite à une publication dans Nature en 2015 qui montrait que les compléments, notamment en vitamine E, pouvaient avoir l'effet strictement inverse, c'est-à-dire produire chez les souris qui étaient atteintes de cancer du poumon une multiplication du nombre de tumeurs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Alors, il se passe plusieurs choses. D'un côté, on a donc les effets délétères des radicaux libres, etc. Mais d'un autre côté, d'une part, la cellule, en voyant ces radicaux libres, elle va répondre. Elle va induire des mécanismes de réponse, donc des mécanismes protecteurs. Si on n'a plus les radicaux libres, ces mécanismes protecteurs ne sont plus induits. C'est un peu le principe des vaccins, etc. Donc, bon. Et puis, il peut se passer plusieurs choses. C'est que quand une cellule va être altérée, à ce moment-là, le système va bloquer sa prolifération, éventuellement l'envoyer en sénescence. Et si vraiment elle est trop altérée, elle va même provoquer sa dégradation en augmentant le stress oxydatif, augmenter les dommages, et là, les signaux, notamment avec le système immunitaire, vont dire, cette cellule-là, il faut la détruire. C'est l'apoptose. Voilà, par exemple. Donc, on a des mêmes molécules qui vont contrôler, je pense à cette fameuse P53, qui est l'anti-oncogène, qui est le gène le plus muté, c'est que il va contrôler l'arrêt de la cellule et il va même induire des systèmes de détoxification des radicaux libres. Mais si le stress est trop fort, il va carrément induire la production de radicaux libres et l'apoptose pour tuer la cellule qui était altérée. Pour un organisme multicellulaire avec des milliards de cellules, perdre une cellule, c'est pas un très gros problème. Par contre, c'est plus dangereux de laisser proliférer une cellule qui pourrait aboutir au développement, à l'initiation tumorale. Donc ça, c'est un effet d'utilisation du stress pour tuer les cellules altérées. Ce qui est un bon stress du coup, enfin ce qui est un stress positif parce que ça évite c'est le stress délétère qui est utilisé par l'organisme. Bon, à côté de ça, on a aussi d'autres systèmes, c'est que les radicaux libres, pour une raison qui, moi je m'explique pas très bien, mais enfin c'est pas très rationnel, mais la cellule peut utiliser ça comme messager. Alors elle peut utiliser les radicaux libres pour envoyer des messages, induire la production de protéines ou des messages aux autres cellules. Alors, là, par exemple, on travaille actuellement au laboratoire sur un système où il y a deux grands stress pour l'ADN endogène auxquels on ne peut pas échapper. C'est lorsque la cellule se divise et que l'ADN se réplique, la réplication de l'ADN, eh ben, il y a des risques, il y a des dangers. Ça peut faire des mutations. Oui. Et évidemment, le stress oxydatif endogène. Donc, il se trouve que ces deux stress sont liés, puisque les bases oxydées, certaines bases oxydées, pas toutes, ou les cassures, vont empêcher la progression des enzymes qui copient l'ADN et générer un stress réplicatif. Mais inversement, on trouve aussi que quand on a un stress réplicatif, on induit un stress oxydatif par le besoin d'énergie. Et ce qu'on voit aussi, c'est que quand à un niveau faible de stress, parce que quand on a un niveau fort, on arrête la cellule, on la tue. À un niveau faible, la cellule réagit en produisant des radicaux libres qui sont sous contrôle de la cellule. Il y a des enzymes dans la cellule dont c'est le rôle de fabriquer des radicaux libres. Ce sont les NADPH oxydases, les NOX et les DUOX. Et c'est leur rôle de fabriquer les cellules. Alors pourquoi la cellule a besoin de ça? Par exemple, lorsqu'on veut fabriquer l'hormone thyroïdienne, il y a deux précurseurs inactifs, il faut les assembler ensemble, il faut les oxyder. Donc la cellule va localement les oxyder pour faire l'assemblage final. Et nous, ce qu'on voit, c'est que la cellule induit des systèmes... Alors, ces radicaux libres contrôlés par la cellule ne sont pas fabriqués, ce qu'on étudie nous, dans le noyau qui contient l'ADN. On évite ainsi la mutagenèse. Et ils induisent des systèmes qui permettent de détoxifier la cellule, qui permettent de résister à un plus gros stress. Donc, on a des exemples comme ça dans la cellule, où on utilise le stress pour provoquer une réponse de la cellule. Et si on n'a pas ce stress, on n'a pas cette réponse. Et cette réponse est nécessaire à la suite de la cellule et de l'organisme. Évidemment, tout ça doit être sous contrôle. Voilà. Laurent Châtre. Oui, alors moi, justement, on a beaucoup parlé du stress oxydatif. J'aimerais dire que vous avez parlé justement de l'étude de Martine Bergot, justement, qui montre que des vitamines sont pro-cancer. À très forte dose, chez les souris, cancer du poumon et mélanome. En fait, ça a commencé à ouvrir une brèche sur le stress. Le stress, en fait, c'est pas que la famille des espèces de l'oxygène, les ROS, mais c'est, en fait, il y a trois autres familles qu'on connaît peu, qu'on est en train d'étudier. Les ROS, c'est les radicaux libres, hein, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Ouais, les radicaux libres. En fait, maintenant, on sait qu'il y a les espèces réactives de l'azote. On les connaît très bien. Nitrite, nitrate, des engrais, des conservateurs. Vous avez l'oxynitrique, par exemple, qui est utilisé pour les troubles de l'érection et c'est un vasodilatateur. Vous avez aussi l'espèce du soufre. Vous avez l'hydrogène sulfuré, par exemple. Il est très connu et tout le monde le connaît. C'est cette odeur d'œuf pourri quand on pète. Et ben, par exemple, la Josèse serait bénéfique pour stimuler les mitochondries, lutter contre les cancers, les AVC, les crises cardiaques, l'arthrite, le diabète. Et puis enfin, vous avez la famille des carbonyles. Dedans, vous avez les cétones et les aldéhydes. C'est très simple, on les trouve dans les huiles essentielles, mais aussi les huiles de friture. Alors, j'ai pas cité une marque de fast-food, mais quand c'est un peu trop cramé, ou dans l'huile de palme, par exemple, on retrouve ces aldéhydes qui sont néfastes. Donc maintenant, on se pose la question, quand on a un antioxydant qui était formé pour cibler les ROS, les radicaux libres, peut-être qu'aussi ils ciblent d'autres espèces. Donc dans telle ou telle maladie, comment sont ces espèces? Par exemple, dans mon laboratoire, on l'étudie dans les AVC, dans les tumeurs des cerveaux, et aussi dans des conditions de faible et de forte irradiation, comment sont les ROS, les espèces de l'azote, les espèces du soufre et les espèces des carbonyles. Et je vous garantis que c'est pas encore publié, mais on a des surprises qui nous montrent que certains antioxydants ciblent mal, alors que d'autres ciblent très bien ce qu'on veut. Donc c'est pour ça que l'étude de Martine Bergot est précurseur dans le sens que, à très forte dose, certaines vitamines ne ciblent pas que les ROS et peut-être des dérivés soufrés ou des dérivés de l'azote. Bernard Lopez. C'est un petit peu le problème de toutes les molécules que l'on cherche pour être anti enfin, c'est la spécificité de la cible. C'est assez rare qu'un anti quelque chose soit assez spécifique pour être que c'est juste ce serait le graal des pharmaciens mais Mais c'est rare qu'il y a toujours des cibles secondaires, des effets pas forcément voulus, contrôlés. Ce que j'aimerais comprendre, c'est comment, puisque on sait que le stress chronique et donc in fine des stress oxydatifs très prononcés sont oncogènes, quel est le point de bascule, quel est le moment, puisque vous venez de nous décrire, Bernard Lopez, des mécaniques de stress qui sont finalement des mécanismes de protection, salvateurs, qui sont des mécanismes d'apoptose, de sénescence, qui permettent d'empêcher justement... Oui. À quel moment il se fait ? Je voulais rajouter que donc ce qu'on en étudie, c'est qu'effectivement, à des faibles stress qui correspondent probablement, je parle de stress de réplication de l'ADN, qui probablement correspondent au stress endogène spontané, on a donc la production de ces radicaux qui permettent d'induire des systèmes de protection des cellules et aussi de la production de cytokines, donc qui sont des molécules extraites par la cellule qui vont favoriser le recrutement des cellules immunitaires. Par contre, quand on augmente le niveau de stress, tout ça s'est abandonné. On ne va pas augmenter le niveau de radicaux libres, ce serait trop dangereux. Et là, on passe dans les systèmes d'arrêt des cellules, d'apoptose, et etc. Comment on sélectionne ? Alors, d'abord, il peut y avoir des effets de modification du métabolisme de la cellule qui peut être l'initiation tumorale. Il y a aussi l'effet d'altération d'ADN et de génétique, puisque si on fait des mutations ou des réarrangements chromosomiques, on peut induire à ce moment-là la production de réarrangements oncogéniques. Et puis, finalement, quand on fait de la sénescence ou fait de l'apoptose ou etc., l'exemple montre que la vie est toujours plus forte. Il y en a toujours une qui arrive à échapper. Et c'est celle-là qui est out of control, qui est hors de contrôle et qui peut être dangereuse. C'est l'autre revers de la médaille de la statistique ou de l'ampleur, en tout cas du nombre de cellules, c'est que quand il y en a beaucoup, il y en a forcément une qui peut... Voilà, la facilement. Vie arrive toujours à échapper, c'est pas forcément au bénéfice de l'organisme. Un mot de conclusion très rapide, Laurent Châtre, pour finir et pour conclure cette émission, en cette période de rentrée, est-ce qu'il faut à tout prix tout faire pour chasser le stress ? Est-ce qu'il y a une dose de stress qui est tolérable, comment savoir où est la limite ? En fait, c'est à chacun de trouver sa limite de stress. À partir du moment où on n'arrive plus à dormir, on a atteint la limite du stress. Donc il faut arriver à bien dormir. L'essentiel, en fait, c'est de bien manger, manger équilibré, sortir dehors, s'oxygéner, pas abuser des antioxydants ni des pilules dans le commerce qui pourraient être enrichies. Et après ça, en fait, c'est à chacun de trouver... sa méthode anti-stress. Il y a la méditation, il y a la lecture, la musique, écouter des émissions radio, c'est assez divers. Écouter France Culture, c'est la meilleure méthode anti-stress. L'antioxydant naturel qui rentre par les oreilles et tout ça, c'est gratuit. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup Bernard Lopez. Merci Laurent Châtre d'avoir été avec nous pour cette première émission de la 4e saison de la méthode scientifique. Merci également à nos camarades de France Bleu Normandie à Caen pour le duplex et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique qui a rempli pour une 4e saison. Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Natacha Triou et Olivier Bétard à la réalisation avec aujourd'hui à la technique Cindy Le Grumelec. Allez, un rapide aperçu de ce que nous vous avons concocté pour cette semaine de rentrée. Demain, nous aurons la chance de retrouver le grand physicien Carlo Rovelli qui nous parlera notamment de troublants. Mercredi, nous parlerons des vagues de chaleur passées mais surtout de celles à venir. Jeudi, il sera question de l'histoire scientifique de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Et puis vendredi, ce sera le retour de notre vendredi consacré à l'actualité des sciences avec vos chroniqueurs préférés. Et comme on ne change pas les bonnes vieilles habitudes, on se retrouve demain à 16h jusqu'à preuve du contraire. France Culture, l'esprit d'ouverture. 1989. C'est la naissance des temps modernes. L'armée populaire. Chute du mur de Berlin, bicentenaire de la Révolution française, répression meurtrière en Chine, place Tiananmen. Une nouvelle carte du monde, de la politique et des idées se dessine. 30 ans après, les répercussions de cette année charnière sont toujours à l'œuvre. Pour mieux comprendre les temps que nous vivons, 1989-2019, 30 ans après la chute du mur, comment l'histoire continue ? Documentaires, analyses, décryptages, grands invités. Semaine spéciale sur France Culture. Plus d'infos, franceculture.fr. Chaque jour à 18h20, c'est le temps du débat sur France Culture. Emmanuel Laurentin. Dans l'actualité, tous les événements ne se valent pas. Pour comprendre ce qui nous arrive, il faut choisir ses thèmes, mais aussi ses invités pour sortir du flot des commentaires et permettre à un vrai débat de s'installer. C'est ce que tentera de faire chaque soir le temps du débat en faisant se rencontrer le monde des idées et les acteurs de terrain. Le temps du débat, Emmanuel Laurentin, de lundi à vendredi à 18h20 et sur franceculture.fr. Oui, le temps du débat, c'est l'une des nouveautés de cette grille de rentrée 2019. Le camarade Emmanuel Laurentin qui prend la succession du grain à moudre. Et pour cette première émission tout à l'heure du temps du débat, le thème du jour, la non-violence est-elle une arme efficace? Ce sera juste après le journal de 18h. Et puis, tout de suite, dans quelques instants, après le point sur l'actualité, eh bien vous retrouverez la série documentaire avec une semaine consacrée à 1989, le début de la fin de l'histoire. C'est une série signée Alain Lefkovitch, réalisée par Guillaume Baldi.